إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous entamons un nouveau chapitre, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, qui s'intitule « Les annulatifs des ablutions ». Nawaqid, c'est un terme au pluriel, son singulier c'est « Nawaqid », c'est un terme au pluriel, son singulier c'est « Naqid ». Naqid, c'est-à-dire ce qui vient annuler et corrompre. Un annulatif. Alors, Nawaqid, les annulatifs des ablutions sont de deux sortes. Celles où il y a un consensus, celles où se sont entendus les savants, se sont mis d'accord sur leur caractère annulatif, et il y a celles où il y a divergence, qui sont sujettes à divergence chez les savants. La première chose qu'a cité l'auteur du livre, il a dit « Al-Khariju min al-Sabilayni mutlaqan », c'est-à-dire tout ce qui sort des deux voies naturelles dans l'absolu. Tout ce qui sort des deux voies naturelles dans l'absolu. Alors pour ceci, je vous ai ramené la parole d'Ibn al-Munzir dans son livre Kitab al-Ijma. Il dit, les savants se sont entendus sur le fait que les selles qui sortent de leur voie naturelle, ou alors l'urine qui sort du canal urinaire, il dit aussi entre parenthèses, il en est de même pour que ce soit l'homme ou la femme. Puis il dit, la sortie du sperme, la sortie d'un gaz de derrière, le fait de perdre conscience, quelle que soit la manière, tout ceci sont des annulatifs et il y a consensus dessus. Regardez bien ici. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure en arabe, c'est qu'il faut faire attention dans la formulation qu'il a employée. Rahmatullah et tabaraka wa ta'ala, Ibn al-Munzir. Il dit, les selles qui sortent de derrière. Effectivement, sans rentrer dans les détails, les selles sortent de derrière, n'est-ce pas? Il se peut qu'elles sortent d'une autre voie. On a déjà vu des cas, Cheikh Al-Athaymin d'ailleurs l'évoque dans Charles al-Mumtir. On a déjà vu des cas où les selles elles sortent par la bouche. Non, parce que les voies naturelles sont bloquées. Ça peut arriver. Azzakumullah, comme on dit. Ou alors, pour X raisons, elles peuvent sortir aussi par le sexe. Ou alors, par le côté. Donc, si les selles, elles sortent de leur voie naturelle, qui est connue, c'est un annulatif à l'unanimité des savants. Si elle sort par une autre voie que sa voie naturelle, c'est un sujet de divergence chez les savants. Voilà pourquoi Ibn al-Munzir prend les précautions dans la formulation de ce qu'il dit. Il est obligé d'être très précis. Car les savants ne se sont pas entendus sur tout. Ils se sont entendus sur la chose qui sort de sa voie naturelle. De même, il parle de l'urine. Il dit l'urine, quand elle sort de devant, alors il y a consensus des savants sur le fait que c'est un annulatif. Mais si l'urine sort de derrière, ou sort du rein directement, ou sort de la bouche, azzakumullah, alors dans ce cas-là, c'est un sujet de divergence chez les savants. Que ça soit chez l'homme ou la femme, peu importe. Puis il dit la sortie du sperme. Puis la sortie des gaz. Non, de derrière. Ça, c'est la voie naturelle. S'ils sortent de devant, c'est un sujet de divergence chez les savants. Non, mes frères, c'est des cas qui peuvent arriver. Barakallahu fikoum, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, je m'en serais passé. Les preuves sur tout ceci, nous avons la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou que l'un d'entre vous revienne des selles, qu'il ait uriné ou déféqué, dans ce cas-là, ceci nécessite les ablutions. De même, nous avons le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'un d'entre vous n'est pas valide dès lors qu'il a annulé ses ablutions jusqu'à ce qu'il se purifie. Al-ihdath ici ça veut dire avoir uriné, avoir déféqué ou autre. Et il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens. Alhamdulillah, de toute façon, il y a consensus des savants là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin de trop s'attarder. Qu'est-ce qui peut sortir? Les selles, l'urine, les gaz, le sperme, le liquide pré-séminal, ce qu'on appelle mazi. Ou le wadiou, on avait expliqué qu'est-ce que c'était que le wadiou. C'est un liquide qui est blanchâtre et qui survient souvent à la suite d'un effort. Il est non seulement impur, comme on l'a vu, mais il nécessite aussi les ablutions dès lors qu'il sort. De même, tout sang qui sort des deux voies naturelles annule les ablutions, qu'il soit pur ou impur. De même, les calculs. Pour des gens qui ont des calculs dans les reins, par exemple, ils peuvent sortir par le canal urinaire. Dès lors qu'on voit un calcul sortir, qui est comme une petite pierre, si vous voulez, ceci annule les ablutions, même s'il n'y a pas d'urine avec. Le simple fait que ça sorte, c'est annulatif des ablutions. Voilà pourquoi l'auteur du livre a dit « Al-Khariju min al-Sabilayni mutlaqan ». Le mutlaqan ici, il veut dire toute chose qui sort, qu'il soit pur ou impur, en grande quantité ou en petite quantité. Deuxième annulatif qu'a cité l'auteur du livre, le sang en grande quantité est ce qui peut s'apparenter au sang, ou qui prend le même statut que le sang. Il voulait dire par ce qui prend le même statut que le sang, par exemple le pu, el-qayh, aoussadid, quand il sort d'une blessure par exemple. Ce naqid, cet annulatif, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di est revenu dessus. Il voyait au début que c'était un annulatif, après avoir réétudié la problématique, il voit que ce n'est pas un annulatif, comme il le dit dans un autre livre, qui est une annexe de ce livre-là, où il évoque tous ses avis sur lesquels il est revenu. Il dit, je vous cite ses propos, le sang ainsi que le vomi et le pu et tout ce qui s'apparente à ceci qui sort du corps de l'être humain n'annule pas les ablutions qu'ils soient en petite quantité ou en grande quantité. Car il n'y a aucun dalil qui nous prouve ceci, donc on reste sur la pureté originelle. Car comme vous le savez, pour passer d'un état à un autre, il faut un dalil. Pour prouver que c'est un annulatif, il nous faut un dalil. Si on n'a pas de dalil, on reste sur la base qui est la pureté. La pureté des choses, à la base, les choses sont pures. Et elles ne sont pas annulatrices des ablutions. Donc vous voyez qu'il est revenu sur ses propos. Et c'est ce qui est authentique des savants. Certains savants, notamment j'ai cité l'avis de Cheikh Ibn Baz à notre époque, qui dit que lorsque le sang sort en grande quantité, par précaution on refait les ablutions. Par précaution. Ce qui est authentique, et c'est ce que voit Cheikh Al-Asaymin aussi, et d'autres grands savants, ils disent tous qu'il n'y a aucun dalil, donc le sang qui coule en grande quantité ou en petite quantité n'est pas un annulatif des ablutions. Et nous avons, et j'avais cité ceci dans des cours précédents, lorsqu'on avait parlé de la pureté du sang, ce caractère pur, j'avais cité cet homme qui s'appelait Abbad ibn Bishrin, ce sahabi, ce ansari, qui était de garde avec un autre sahabi dont le nom m'échappe. Et lorsqu'il a prié comme ça, un homme des Bani Ratafan lui a tiré une flèche dans le dos. Et il est resté en prière et le sang coulait. Puis il a tiré une deuxième flèche et le sang coulait de plus belle. Il est resté dans sa prière. Ça, c'est en l'an 8 de l'Hégire. Si il y avait un annulatif, si c'était une chose qui était connue, que le sang qui sort du corps est annulatif des ablutions, jamais cet homme-là ne serait resté dans sa prière. On a d'autres preuves aussi, comme quoi les compagnons faisaient le djihad, puis ils priaient avec leurs blessures. Donc au final, ce n'est pas un annulatif des ablutions, et ça c'est la parole authentique. Le troisième annulatif qu'a cité l'auteur, la perte de conscience par le sommeil ou autre. Il faut distinguer deux choses. La perte de conscience, c'est une chose. Le sommeil, c'est autre chose. Bien que par le sommeil, on perd conscience. Mais ce n'est pas tout sommeil. La perte de conscience, comme l'a évoqué Ibn al-Mundhir, il y a consensus des savants sur le fait que c'est un annulatif. Non, j'ai cité la parole d'Ibn al-Mundhir tout à l'heure. Celui qui perd conscience, alors il a annulé ses ablutions par la même. Perd conscience par l'évanouissement, al-irma, ou alors par l'anesthésie, comment on dit l'anesthésie, al-binj, ou alors par l'ivresse ou la consommation de stupéfiants, toutes ces choses-là qui te font perdre l'esprit ou te font perdre même conscience. Alors, Tout ceci sont des annulatifs, des ablutions à l'unanimité. Concernant le sommeil, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a combien d'avis ? 8. 8 avis différents sur cette problématique. Premier avis, avant de citer les 8 avis, il faut savoir que dans ces 8 avis, il y a ceux qui privilégient ce qu'on appelle la méthodologie du tarjih, c'est-à-dire prendre un hadith qui est rajih sur un autre. Donc s'appuyer sur un hadith et délaisser l'autre. Ou alors ce qu'on appelle nasr, c'est-à-dire dire qu'un hadith est abrogé et l'autre est abrogeant. Donc on prend l'abrogeant et on délaisse l'abrogé. Ça c'est une manière d'approcher les textes. Il y a une autre manière d'approcher les textes, c'est de rassembler toutes les preuves. Essayer de les rassembler et d'en tirer un statut juridique. Premier avis, c'est ceux qui disent que le sommeil, quel qu'il soit, dans l'absolu, est un annulatif des ablutions. N'importe quel sommeil, qu'il soit léger, qu'il soit profond, qu'il soit long, qu'il soit court, que tu sois assis, que tu sois debout, c'est un annulatif. Ceux qui voient cet avis, il y a Ibn Omar, wa Abu Musa al-Ash'ari, wa Sa'id ibn Jubair, wa Makhoul, Sahaba wa Tabi'in. Cela, ils voient que ça n'annule pas les ablutions, dans l'absolu. Deuxième avis, c'est le contraire. Ceux qui voient que c'est un annulatif dans l'absolu. Et ça, c'est ce que dit Abu Huraira, Al-Hassan wa Ata ibn Abi Rabah, Imam al-Bukhari, Ibn Hazm, mais à notre époque, Cheikh al-Albani. Troisième avis, c'est ceux qui disent que le sommeil est un annulatif dès lors qu'il est long. Kassir. On pourrait le comprendre aussi, kassir dans le sens profond. Quatrième avis, le sommeil est un annulatif dès lors que la personne dort allongée. Allongée complètement sur le flanc ou accoudée, comme ça. En tout cas, il est allongé, il n'est pas assis ni debout. Dans ce cas-là, s'il dort, il annule ses ablutions. Hein? Qu'il ait dormi une minute ou deux heures, peu importe. Cinquième avis, ceux qui disent qu'il n'annulera ses ablutions que s'il dort dans le recours ou dans le soujoud. Ça peut arriver. Quelqu'un qui se lève la nuit, par exemple, il est fatigué, mais il fait un effort pour se lever, il s'endort dans le recours, dans l'inclinaison, ou il s'endort dans le soujoud. Ça peut arriver. Ceux qui voient cet avis disent que dans cette position, il est plus à même de perdre ses ablutions. Voilà pourquoi ils disent ça. Sixième avis, ils restreignent l'annulation des ablutions dans le soujoud seulement. Septième avis, la personne qui dort assis, celui qui est assis seulement, celui-là ne perdra pas ses ablutions. Hein? Que son sommeil soit long ou court, profond ou léger. Et enfin, s'il est en dehors de la prière, s'il dort en dehors de la prière, ça n'annule pas ses ablutions. S'il dort dans la prière, ça annule ses ablutions. Quel est l'avis le plus authentique et qu'est-ce qu'il faut en tirer ? Quelle est la conclusion pour ceci ? La conclusion de tout ceci, c'est que le sommeil qui est annulatif des ablutions, c'est celui qui va te faire perdre la conscience. De telle sorte que tu n'entendras plus les voix autour de toi, ni les mouvements. Les savants disent qu'une personne qui s'endort et qui se reprend comme ça, le fait qu'il se reprenne, c'est qu'il a perdu conscience. Ne serait-ce qu'un petit instant. C'est un annulatif. Mais la personne qui ferme les yeux, qui somnole un petit peu, mais il entend qu'est-ce qui se passe autour de lui. Il est maître de lui-même, de ses sens. Dans ce cas-là, celui-là, on ne dira pas qu'il a perdu conscience et il n'aura pas annulé ses ablutions par là même. Donc, on dit que le sommeil qui annule les ablutions est celui qui est profond. Dans le sens où la personne, elle perd la perception de toute chose. il n'entend plus les voix, il n'entend plus les mouvements, il ne perçoit plus rien, qu'il soit debout, assis ou couché, que ce sommeil soit court ou long, peu importe. Et il s'appuie sur deux hadiths. Le premier, c'est le hadith de Safwan ibn Asal, concernant l'essuyage sur les chaussons. Al-Khuffayn, hadith Safwan ibn Asal, où il a dit, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, le prophète nous a ordonné, lorsque nous étions en voyage, d'essuyer sur nos chaussons 3 jours et 3 nuits, sauf si l'un d'entre nous a été touché par Al-Janaba, l'état d'impureté rituelle majeure. Mais on pouvait le faire si on revenait des selles, ou alors nous avions uriné, ou alors nous sortions du sommeil. Donc ici, ça nous prouve bien que le sommeil est un annulatif. Maintenant, de quel sommeil parle-t-on ? La divergence tient sur ça. Nous avons le deuxième hadith de Anas ibn Malik qui disait « Les compagnons étaient dans la mosquée en train d'attendre le prophète pour la prière de l'Isha. Certains d'entre eux étaient allongés, d'autres assis, et certains d'entre eux, comme on dit en français, piqués du nez. « Tarfiqur usuhum » comme ça. Lorsque l'adhan a retenti, ils se sont levés, puis ensuite ils ont été priés sans refaire leurs ablutions. Là, on prouve de ce hadith qu'ils se sont endormis, mais ils étaient quand même maîtres d'eux-mêmes, de telle sorte qu'ils n'ont pas refait leurs ablutions. Donc on réunit entre le premier hadith et le deuxième, justement en disant que le sommeil qui annule les ablutions, c'est celui qui te fait perdre la perception des choses autour de toi. Et seulement celui-là. Quelle que soit ta position et quelle que soit la durée du sommeil. Une problématique qui se pose ici. Une personne qui a somnolé et là il doute à savoir est-ce que je suis rentré dans le sommeil ou non. Il a un doute. Que fait-il ? Comment il considère son cas ? Est-ce qu'il a annulé ses ablutions ou est-ce qu'il reste sur sa pureté primaire ? Il reste sur la pureté primaire. Pourquoi ? Car, barakallahu fik, al-qa'ida, la règle, elle dit que le doute ne viendra jamais annuler une certitude. Donc, la certitude, c'est celle qu'il avait avant qu'il s'endorme. Il était en état de pureté. C'est une certitude. Il doute qu'il a perdu ses ablutions par le sommeil. Ce doute-là, on le balaye d'un revers de la main. Il ne vient pas annuler cette certitude. Pour que je sois en état ou que je me considère en état d'impureté rituelle, il faut que je sois sûr que j'ai annulé mes ablutions. Par le sommeil ou autre. Non, mais c'est important ça. Quelle est la preuve sur ceci ? C'est le hadith de Abbad ibn Tamim qui a rapporté de Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini où un homme a été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a semblé qu'il avait perdu ses ablutions. Il lui a semblé. Donc il est dans le doute. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne sorte pas, entre parenthèses, de sa prière, tant qu'il n'a pas, un, entendu une chose, un son, ou senti une odeur. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas une preuve claire qu'il a annulé ses ablutions. S'il n'a pas une preuve claire, il reste sur son état qu'il avait, avant qu'il ne doute. Quatrième annulatif, la consommation de la viande de chameau, de dromadaire. La majorité des savants considèrent, voient, que la consommation de la viande de chameau n'est pas un annulatif des ablutions, mais il est recommandé de les faire seulement. Jumhur, parmi eux, trois imams, Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i. L'imam Ahmed, lui, et d'autres savants, voient et considèrent que manger de la viande de chameau, le simple fait d'en manger, annule les ablutions, et c'est la parole et c'est la vie authentique. D'après le hadith de Jabir ibn Samura, qui a questionné lui-même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, doit-on refaire nos ablutions après avoir consommé de la viande de chameau? Le prophète a dit, oui. Puis il a posé une deuxième question. Doit-on refaire nos ablutions en ayant consommé de la viande des ovins? Le prophète a dit non. Il n'y aurait pas eu cette deuxième question, on n'aurait pas pu trancher sur la première. Mais le fait qu'il y a Une deuxième question avec une deuxième réponse, ceci nous prouve que la viande de chameau a une particularité par rapport aux autres viandes. Elle nécessite les ablutions, contrairement à la viande des hommes. De même, la suite du hadith, l'homme questionne le prophète en disant, est-ce que nous pouvons prier dans l'enclos des moutons et des ovins? Le prophète a dit oui. Puis il a dit, pouvons-nous prier dans l'enclos des chameaux ou dans l'endroit où ils passent la nuit? Le prophète a dit non. Donc il y a des particularités. Le chameau se différencie et se caractérise par des caractéristiques que n'ont pas les autres types de bêtes, notamment dans la consommation de la viande. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit clairement à travers ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, d'après la version de Jabir ibn Samura, que la consommation de viande de chameau nécessite les ablutions. Et ça, c'est le qawl authentique. Quand on parle de la viande de chameau, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle que de la chair et des muscles? Ou alors les entrailles, al-musrad, comme on dit, les tripes, les intestins, le cœur, le foie. Est-ce que c'est concerné par la terminologie viande de chameau? L'avis authentique dessus, c'est que ceci est concerné. Tout ce qui concerne le chameau et qui est considéré comme viande rentre dans l'ohum al-ibil. Est-ce que le lait de chameau est concerné par ceci? Al-bain al-ibil ou abu aluha? Et l'urine de chameau par la même. Est-ce que c'est concerné par cette parole du prophète? Lorsqu'il a été questionné, à savoir, on doit refaire nos ablutions. Non. D'ailleurs, ce sont des médicaments, comme vous le savez. Mais les savants disent qu'il est préférable quand même de refaire ses ablutions. Il est préférable, mais ils ne disent pas que c'est obligatoire. Pour dire que c'est obligatoire, il nous faut un dalil. Attention les frères, barakallahu fikoum, j'ouvre une parenthèse ici, et c'est ce que dit Cheikh Al-Thaymin. Il dit, toute personne qui parle sur la religion, lorsque tu appuie une adoration, tu confirmes une adoration, il faut que tu la confirmes avec le dalil. De même, si tu interdis une chose, une adoration, il faut que tu l'interdises avec le dalil. Sinon, il dit, prépare-toi à répondre devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on ne peut pas rendre quelque chose interdit si on n'a pas de dalil. Et on ne peut pas rendre quelque chose obligatoire si on n'a pas de dalil aussi. Donc, nous avions dit au début de nos cours qu'à la base, les choses, elles sont licites. Les choses, elles sont licites à la base. Non? Et elles sont pures. Et elles ne sont pas annulatrices des ablutions. C'est ça la base. Pour déroger à cette base-là, il nous faudrait un dalil. Cinquième annulatif, le fait de toucher une femme avec désir. Bisharwa. Il y a trois avis dessus. Concernant le fait de toucher une femme. Il y a ceux qui disent, toucher une femme, le simple fait de la toucher est annulatif des ablutions. Que ça soit avec désir ou non. C'est un avis qui existe chez les savants, il faut que vous le sachiez, Inch'Allah. C'est ce que dit l'imam Shafi'i, bien qu'il ne tranche pas dessus. Il n'est pas convaincu de cet avis, mais il penche vers cet avis. Comme le dit Ibn Abd al-Barr, Filistiskar, il reprend la parole de l'imam Shafi'i en disant que l'imam Shafi'i, dans sa formulation, ne tranche pas sur cet avis, mais il penche vers cet avis. Le simple fait de toucher une femme annule les ablutions. Il s'appuie sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Aula mastumun nisa. Ou alors, dès lors que vous touchez les femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, fatayammamu, fa'ilun tayyiba, alors faites les ablutions sèches, etc. Verset 43, surat numéro 4. Ça, c'est un premier avis. Donc, l'imam Shafi'i, Ibn Hazm, et parmi les compagnons, il y avait Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Omar. Le deuxième avis, c'est exactement le contraire. C'est ceux qui disent que le simple fait de toucher une femme, ça n'annule pas les ablutions. Dans l'absolu, que tu la touches avec désir ou non. C'est ce que voit l'Ahnaf, Abu Hanifa wa Ashabuhu, et aussi Ibn Abbas, ou Al-Hassan, ou Atta ibn Rabah, le grand élève d'Abdullah ibn Abbas, Ibn Taymiyyah, et à notre époque, Cheikh Al-Albani ou Al-Uthaymin. Troisième avis, c'est ceux qui disent que ça annule les ablutions si tu la touches avec désir. Mais si tu l'achètes au champ désir, ça n'annule pas les ablutions. Non. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed et ce qui est connu de l'imam Malik. J'ai en tête une anecdote. Vous savez que Al-Shawafi, Al-Shafi'iyya, ils prennent l'avis de l'imam Al-Shafi'i sur le fait que toucher une femme dans l'absolu, avec désir ou sans désir, c'est annulatif des ablutions. Donc, ils se trouvent dans une problématique et dans une gêne lorsqu'ils font le tawaf autour de la Kaaba. Vous savez tous comment c'est le tawaf autour de la Kaaba, il y a des hommes et des femmes. On peut involontairement toucher la main d'une femme, n'est-ce pas? Eux, comme ils voient que toucher une femme, c'est, premièrement, c'est annulatif des ablutions, mais que les ablutions sont une condition de validité du tawaf. Donc, ils sont dans une gêne pas possible, car là, dès lors qu'ils touchent la main d'une femme, ils sont obligés de sortir du tawaf et de refaire leurs ablutions. Non. Alors que ce qaoul, il n'est pas valide. Pourquoi? Car nous avons le tafsir de Abdullah ibn Abbas sur le verset coranique sur lequel s'est appuyé l'imam Shafi'i et les savants qui le suivent. Lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, Aula mastumun nisa, ou alors dès lors que vous touchez les femmes, il dit le toucher ici ne signifie pas le simple toucher de la main, mais il signifie le rapport sexuel. Al-jima. C'est celui-ci qui nécessite les grandes ablutions. Et non pas le simple toucher. Quel est l'avis authentique sur ça? Ceux qui disent que ça n'annule pas dans l'absolu. Que tu la touches avec désir ou sans désir. Pour quelle raison? Car nous n'avons aucune preuve qui viendrait différencier le fait de la toucher avec désir ou sans désir. Nous avons pour ceci le hadith de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit plutôt, c'est un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour la prière et embrassait une de ses femmes. Puis il priait sans refaire ses ablutions. Lorsqu'elle dit une de ses femmes, en fait, elle parle d'elle. Mais par respect envers les autres femmes, elle n'a pas dit que c'était elle. Elle a dit une de ses femmes. Radiallahu anha. Donc le prophète l'a embrassée. Radiallahu anha. Il n'a pas refait ses ablutions et il a prié comme ça. Donc le fait qu'il l'a embrassée, il y a un désir. Pourtant, on voit bien que ce n'est pas un annulatif des ablutions. Et ça, c'est le qawl sahih. Al-naqid al-sadis, le sixième annulatif, le fait de toucher son sexe, que ce soit l'homme ou la femme. Il y a cinq avis sur la question. Pareil, il y a ceux qui prennent la méthodologie du tarjir, c'est-à-dire ils prennent un hadith et font abstraction des autres. Ou alors, ils prennent certains hadiths en disant qu'ils sont abrogeants et délaissent les hadiths abrogés. Et il y a ceux qui réunissent entre eux les hadiths. Le premier avis, c'est ceux qui disent que le fait de toucher son sexe, c'est un annulatif des ablutions. Dans l'absolu. Que tu l'aies fait exprès ou non. Quand je dis toucher, c'est sans avoir de gants. C'est-à-dire toucher à même la peau. Ça, c'est ce que dit l'imam Ahmed. L'imam Malik, l'imam Shafi'i ou Ibn Hazm. Et il s'appuie sur le fameux hadith de l'Busra, Busrata binti Safwan. C'est un hadith rapporté par Abu Dawud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. C'est clair. Si on n'avait que ce hadith-là, on a un ordre religieux. Puisque aussi on a l'âme taukid, fal yatawadda. Le lame ici, il implique le taukid, c'est-à-dire l'affirmation, l'ordre. Et il s'appuie aussi sur un autre hadith qui est authentique de Umm Habiba. Vous savez c'est qui Umm Habiba? C'est la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la fille de? Très bien, barakallahu fik. Abi Sufyan ibn Harb. Elle a rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ben massa farjahu falyatawadda. Celui qui touche son sexe, qu'il refasse ses ablutions. Donc, ils disent, il n'y a pas de discussion. Toute personne qui touche son sexe, que ce soit un homme ou une femme, il refait ses ablutions. Au regard de ces deux hadiths. Le deuxième avis, c'est le contraire du premier. Celui qui touche son sexe, il ne refait pas ses ablutions. Qu'il l'ait touché volontairement ou involontairement. Qu'il l'ait touché avec désir ou sans désir, peu importe. Ça, c'est une version de l'imam Malik aussi et de l'imam Abi Hanifa. C'est ce qui est connu de l'imam Malik aussi. Et il s'appuie sur un hadith qui est authentique aussi, c'est le hadith de Talq ibn Ali, où un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, est-ce que l'homme qui touche son sexe doit refaire ses ablutions? Et le prophète a dit, ce n'est qu'une partie de toi-même. Donc, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on sous-entend ici? Ce n'est qu'une partie de toi-même, donc tu n'as pas à refaire tes ablutions. Au même titre que si tu touchais ton pied ou ta tête. Ça ne nécessite pas des ablutions. Deux hadiths authentiques qui, en apparence, se contredisent. Je dis bien en apparence, car le prophète ne se contredit jamais, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en apparence, ils se contredisent. D'où les divergences chez les savants. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, et là, on passe à ceux qui essaient de rassembler entre les hadiths. C'est ceux qui disent, celui qui touche son sexe avec désir, il refait ses ablutions. Il s'appuie sur le hadith de Busra binti Safwan. Lorsque le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, celui qui touche son sexe, qu'il refait ses ablutions. Et celui qui touche son sexe sans désir, alors celui-là, il ne refait pas ses ablutions et il s'appuie sur le hadith de Talq ibn Ali. Ce n'est qu'une partie de toi-même. Cet avis-là, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani et d'autres aussi qui ont cet avis-là. Jama'a, il a rassemblé entre les deux hadiths. Le quatrième avis, c'est le fait de dire que toucher son sexe avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement, dans tous les cas, il lui est recommandé de refaire ses ablutions. Non pas obligatoire, mais recommandé. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et une des versions de l'imam Ahmed. Il y a un cinquième avis que j'ai voulu vous citer aussi, car je le trouve pertinent, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui est proche de l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah avec une petite variante. Il dit, celui qui touche son sexe sans désir, il lui est recommandé de refaire ses ablutions. Par contre, celui qui le touche avec désir, celui-là, il lui est obligatoire de refaire ses ablutions par précaution. Pour sortir de la divergence, barakallahu fikoum, refaites les ablutions. Non, pour être sûr, Inch'Allah. Sinon, prenez vos responsabilités, Inch'Allah. En tout cas, je vous ai cité les avis des savants, notamment ceux qui rassemblent entre les hadiths, les trois derniers. Ils se valent, Inch'Allah. Non, ils se valent tous. Mais il convient, dans ce genre de choses, tout ce qui est lié à la condition de validité de la prière, de prendre le plus de précautions possible. J'ai voulu vous citer une chose aussi importante ici. Pour ceux qui disent que toucher son sexe, ça annule les ablutions dans l'absolu. En faisant abstraction du hadith de Talq ibn Ali. Lorsque le prophète a dit, c'est une partie de toi. C'est-à-dire ton sexe, c'est une partie de toi. Le fait de faire abstraction à ce hadith, c'est dangereux. Dans quel sens? C'est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié le statut juridique à une cause qui ne peut disparaître. Quelle est cette cause? Cette cause, c'est que ton sexe est une partie de toi et il le sera tout le temps. Cette cause-là ne pourra pas s'annihiler dans le temps ou s'effacer. Et ça sera toujours comme ça. Donc le statut juridique sera toujours présent car la cause est toujours présente. Et quel est le statut juridique qu'a cité le prophète dans ce hadith de Talq ibn Ali? Qu'il n'était pas nécessaire de refaire les ablutions. Tant que ceci fait partie de toi, ne refais pas les ablutions. Donc, mettre de côté ce hadith, comme l'ont fait certains savants, c'est dangereux. Car certains savants, notamment ceux qui voient le premier avis, disent que le hadith de Busra est plus authentique que le deuxième, que le hadith de Talq ibn Ali. Car il était rapporté par des chaînes de transmission beaucoup plus fortes. Et dans les chaînes de transmission, nous avons des hommes qu'on trouve dans les chaînes de transmission de Sahih al-Bukhari wa Muslim. Chose qu'on n'a pas dans le hadith de Talq ibn Ali. avant-dernier adulatif, le lavage du mort. Le lavage du mort, ici, l'auteur l'a cité ici, mais il faut savoir que dans ce livre, justement dans ce livre où il a révisé plusieurs problématiques, il est revenu sur cet avis en disant que ceci n'est pas un annulatif des ablutions. Le lavage du mort n'est pas un annulatif des ablutions. Il y a deux avis sur la question. Il y a ce que voit l'ensemble, la majorité, al-jumhur des ulama. Al-jumhur, la majorité des savants voient que ceci n'annule pas les ablutions. Et c'est l'avis aussi de Cheikh Saadi qui est revenu sur cet avis-là. Aussi, c'est l'avis à notre époque de Cheikh Mbaz, Cheikh Al-Thaymin ou Cheikh Unal Al-Bani. L'imam Saadi dit justement à cet effet, l'annulation des ablutions dans le lavage du mort est sujette à discussion. C'est une problématique sujette à discussion. Car le hadith qui a été rapporté à ce sujet n'est pas valide. Il parle du hadith suivant. Celui qui lave un mort, qu'il refasse le lavage rituel. Et celui qui porte un mort, qu'il fasse ses ablutions. Donc, Cheikh Saadi dit que ce hadith n'est pas valide, mais en fait, il est valide. Mais il ne s'appuie pas sur cette parole pour dire que laver un mort n'est pas un annulatif des ablutions. Il s'appuie sur ce qui suit. Écoutez bien. Et ce qui a été rapporté de Ibn Omar et Ibn Abbas, qui ordonnait à toute personne qui lavait les morts de refaire leurs ablutions, ceci ne peut être pris comme une obligation. Car il y a d'autres choses qui ont été rapportées, notamment de ces deux compagnons, qui nous prouvent que ce n'est pas obligatoire. Donc, au final, on dira que c'est mustahab. Quelles sont les deux choses qui ont été rapportées de Ibn Abbas et de Ibn Omar? Ces deux-là même qui disaient et qui ordonnaient aux gens de refaire le lavage rituel pour toute personne qui a lavé un mort. Ibn Abbas a rapporté le hadith du prophète suivant qui est authentique. Écoutez bien. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas l'obligation de vous laver dès lors que vous lavez le mort. Car vos morts ne sont pas impurs. Mais il vous suffit de vous laver les mains. Ça, c'est la part du prophète, c'est un hadith authentique. D'après la version d'Ibn Abbas. Ibn Omar a dit cette phrase et Cheikh Al-Albani a authentifié ce affaire d'Ibn Omar dans Arkam al-Janaiz. Il dit, nous lavions les morts et certains d'entre nous refaisaient le lavage rituel majeur, c'est-à-dire les grandes ablutions, alors que d'autres ne le refaisaient pas. Ce qui prouve bien qu'il y a une souplesse dans ceci. Donc, Jumhur ul-Ulama, la majorité des savants, considèrent que il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions et encore moins le lavage rituel majeur pour toute personne qui a lavé un mort. Donc, ce n'est pas un annulatif des ablutions. Dernier annulatif, et là bien sûr c'est un annulatif des ablutions, mais aussi on va parler d'annulatif de l'islam. C'est l'apostasie, ar-ridda, l'apostasie. Toute personne qui a apostasie de sa religion a par là même annihilé l'ensemble de ses bonnes actions. Personne n'est à l'abri de ceci, les frères, barakallahu fikoum. Il faut que vous sachiez, pour votre connaissance, qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui s'étaient convertis à l'islam. Puis, lorsque le prophète est mort, ils ont apostasié de leur religion. Certains sont morts dans la mécréance, d'autres sont revenus. Toute personne qui apostasie de l'islam verra le bénéfice de ses bonnes actions partir en fumée. Que ce soit la prière, la zakat, son jeûne, son hajj, aussi sa purification, car la purification fait partie des bonnes actions. Par là même les ablutions. S'il revient dans l'islam et qu'il doit faire les ablutions pour la prière, alors il lui sera obligatoire de refaire ses ablutions. Car son apostasie est venue annuler son état de pureté rituelle. Hein, mais quoi ? L'apostasie, c'est juste une parole ou c'est dans la pensée aussi ? Alors, il y a deux choses ici. Si tu extériorises cette apostasie, juridiquement, on te considère comme un mécréant. Juridiquement parlant, c'est-à-dire qu'on te considérera comme un kafir au regard des lois vis-à-vis de l'islam. Donc, on agira avec toi comme on agit envers un chrétien ou un juif ou un apostat. Si tu meurs, on t'enterre pas avec les musulmans, on te lavera pas, on priera pas sur toi, on fera pas de dua en ta faveur. Bref, tu seras juridiquement mécréant. Après, ton cas, il est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si tu le penses, mais tu extériorises l'islam, mais tu penses l'apostasie, alors dans ce cas-là, nous, on va agir avec toi, avec ce que tu nous montres extérieurement. Car on n'a pas à rentrer dans les cœurs. Lakin, auprès d'Allah, c'est entre toi et Allah, tu devras répondre de ceci. Hein? Donc, il faut bien faire la distinction entre un islam juridique et un islam réel. De même, une mécréance juridique, c'est-à-dire comment nous on va se comporter avec lui juridiquement, et une mécréance réelle qu'il a dans le cœur. Les hypocrites, réellement ils étaient mécréants, mais juridiquement ils étaient musulmans. Non, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, les sahabas ont prié sur lui. N'est-ce pas? Le prophète a dit, sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Bien que tout le monde savait que c'était un mécréant. Et Allah a repris ses propos dans le Coran. Mais juridiquement parlant, il était musulman. Kana yudhiru l'islam wa yubtinu l'kufra. Il extériorisait l'islam et il cachait en lui la mécréance. Vous avez compris la différence entre les deux? Donc nous, en tant que musulmans, on n'a pas à scinder les cœurs et sonder les cœurs aussi. On n'a pas à faire ceci. À savoir qu'est-ce qu'il pense dans son cœur. On le juge d'après ce qu'il nous montre, à travers ses faits et gestes, à travers ses paroles, à travers ce qu'il nous montre de sa croyance, etc., etc. Le reste, نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. Et Allah lui s'occupe de ce que cachent les poitrines, tabaraka wa ta'ala. Et nous on juge que ce qu'il fait montrer et fait apparaître aux gens. Oui. Alors, le fait de toucher les parties intimes avec un gant ou quelque chose, c'est sujet à divergence. D'ailleurs, on a pour ceci le hadith de Abi Hurayrata, radiallahu anhu, où le prophète a dit à sa sœur, « Man afda yadahu ila zakarihi, laysa baynaha wa baynahu ha'il » et dans une version, « Laysa baynahu wa baynaha sitrun » Wajaba alayhi al-wudu. Celui qui met sa main sur son sexe alors qu'il n'y a rien entre sa main et son sexe, alors celui-là il lui est obligatoire de refaire ses ablutions. C'est un hadith authentique. Savants ils disent que dans ce cas-là, celui qui a un sitr, c'est-à-dire une protection, un gant par exemple, ou quelque chose d'autre entre lui et son sexe, ceci n'est pas un annulatif. Et ça c'est le qawl sahih. Voilà pourquoi aussi. Lorsqu'on lave le mort, pour ceux qui disent que laver le mort c'est un annulatif parce qu'on va être amené à toucher le sexe, c'est pas forcément vrai. D'une manière générale, celui qui lave le mort, il va prendre des gants. Et lorsqu'il va arriver aux parties intimes, il va les laver avec quelque chose, pas avec ses mains. Hein? Donc c'est peu probable qu'il touche le sexe du mort. Donc c'est pas un argument à faire valoir pour eux. Par rapport à un type parti de l'humain, C'est pas un annulatif, non. Pour transporter le mort. Oui. En fait, ce hadith-là, comment faut le comprendre? Lorsque le prophète a dit, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamala mayyitan falyatawadda. En fait, ceci, on le comprend comment? Déjà, on rassemble tous les hadiths-là. Puis, on le comprend comment? Le prophète a dit, en fait, celui qui lave un mort, falyaghtasil, c'est-à-dire qu'il fasse les grosses ablutions avant de le laver. Pourquoi? Parce que le lavage du mort, il dure longtemps. Il risque de rater la prière si il est en état de janaba lorsqu'il le fait. Non, comment il va avoir le temps de rentrer chez lui et de faire une douche? Pareil aussi pour celui qui porte le mort. Alors on lui demande de faire les ablutions avant, de telle sorte que si ça dure dans le temps, au moins il est prêt pour la prière prochaine, il n'aura pas à refaire ses ablutions. Voilà comment les savants l'expliquent, ce hadith-là. Alhamdulillah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.